The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Now, a bit faster. Now, use the words in context. La précipitation. He arrived at the labor room in a rush to see his newborn child. Il est entré avec précipitation dans la salle d'accouchement pour voir son enfant qui venait de naître. S'emballer. I get carried away every time, and then I'm disappointed. Je m'emballe à chaque fois, et ensuite je suis déçu. S'en foutre. He never studies before his exams. He has disastrous marks, but he doesn't give a darn. Il ne révise jamais avant ses examens, il a des notes catastrophiques, mais il s'en fout. Raté. With this crap weather, the picnic at the beach is going to fail. Avec ce temps pourri, c'est raté pour le pique-nique à la plage. Le conseil. On his friend's advice, he has started doing sports in order to lose weight. Sur les conseils de ses amis, il a commencé à faire du sport pour perdre du poids. S'en foutre. He never studies before his exams. He has disastrous marks, but he doesn't give a darn. Il ne révise jamais avant ses examens. Il a des notes catastrophiques, mais il s'en fout. Le conseil. On his friend's advice, he has started doing sports in order to lose weight. Sur les conseils de ses amis, il a commencé à faire du sport pour perdre du poids.